Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'une belle nouvelle ce matin, c'est qu'après Shane Gauthier de Dolbeau-Missisni, voilà qu'un autre joueur d'ici pourrait être repêché par la Ligue canadienne de football. En effet, Alexandre Gagnon, qui a joué pour le Verrier de Mississauga, fait partie des 19 Québécois qui ont été retenus pour le camp d'évaluation qui aura lieu en Saskatchewan le 10 mars prochain. Au cours des prochains jours, on va tenter de parler avec Alexandre Gagnon pour qu'il nous explique un petit peu à quoi retourne cette invitation. Les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté une belle victoire hier par le compte de 5-2 sur les Foreurs de Val-d'Or. Pour les Saguenayens, German Rutsoff a dirigé l'attaque de l'équipe avec une production de 2 buts de passe. Il y a Joey Ratel qui a marqué un but et amassé 3 passes. On a noté également que Nicolas Roy a marqué un but et une passe. Et les Huskies de Rouyn-Noranda se sont inclinés hier contre les Olympiques de Gatineau par le compte de 3-2. Niveau junior régional, les Sabres de Roberval en ont mangé toute une hier, défaite de 14-0 contre les Marquis de Jonquière. Niveau Bantam 2B, les Marquis de Jonquière et les Hurricanes de Massouillache ont fait un verdict nul de 1-1 au tournoi à Saint-Bruno. Et les optimistes Bantam de Dolbeau-Missisni, ou les Rapides plutôt de Dolbeau-Missisni, et les Patriotes de Saint-Bruno se sont livrés un verdict nul de 2-2. Ligue Saint-Planète, il y avait des matchs qui nous intéressaient également dans les différentes ligues la semaine dernière. D'abord, à noter qu'au niveau junior A, gain des Saguenayens de Chicoutimi 4-0 sur le Pro-Lame de Saint-Félicien. Et maintenant, on va parler de la signature de Mathias Boulian-Adams, qui est un joueur de ligne offensif qui a été sélectionné le meilleur joueur de ligne offensif chez les Lynx d'Allemagne l'an dernier. Ben, on sait qu'il a annoncé au cours des derniers jours qu'il allait porter les couleurs des Genois d'Allemagne. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec l'instructeur-chef Jean-Philippe Caron. Et évidemment, il est très, très content de la signature de Mathias Boulian-Adams. C'est une bonne nouvelle pour nous que Mathias se joint à nous autres. On disait que c'est ça, ça avait été le meilleur joueur de ligne offensive là, des Lynx, mais il a aussi été le joueur le plus voté là, au niveau de l'équipe des équipe d'étoiles, donc c'est vraiment un gros morceau qui s'en vient chez nous pour 3 ans. OK, je ne savais pas, par exemple. On prévoit évidemment d'autres signatures chez les Genois au cours des prochains jours. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jason Lajeunesse, l'instructeur-chef des Sabres de Roberval, et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée hier avec Jean-Philippe Caron, qui est l'instructeur-chef des Genois d'Allemagne. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, on s'en occupe.